Vendredi 26 octobre 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bonne soirée à tous et à toutes. Bienvenue à cette émission entièrement consacrée au 9e art, à la bande dessinée. Raymond Poirier au micro, c'est un plaisir évidemment de vous retrouver avec vous jusqu'à 18h30. Et aujourd'hui, on a une belle, belle rencontre à vous partager. Elle a été réalisée un peu plus tôt, au cours du mois d'octobre, pendant l'événement Québec en toutes lettres. On vous en a parlé, un invité d'honneur qui était convié à cet événement, qui a participé à certaines des activités, qui a offert classe de maître, auquel étaient consacrées également plusieurs des activités de cet événement qui étaient liées à l'univers de la science-fiction. Alors, vous l'aurez probablement deviné, il s'agit de Jean-Claude Mézières. Jean-Claude Mézières qui est le dessinateur, l'un des pères de la série Valérian et Laureline, qui est également l'homme derrière les décors et l'univers visuel du film Le Cinquième Élément de Luc Besson, et qui est une légende dans l'univers de la bande dessinée, dans l'univers de la bande dessinée de science-fiction. Et donc, c'était un honneur pour moi de le rencontrer il y a de ça quelques temps, en fait, tout récemment. Et donc, ça sera entièrement la totalité de l'émission qui sera consacrée donc à cet entretien. Il nous a accordé près d'une heure qu'on a essayé de rentabiliser. Et donc, au fil de l'heure, vous entendrez parler de Valérian, de Laureline, de la dynamique de création de cette série, les regards également sur ses incartades dans l'univers cinématographique, de son travail de création. Alors bref, on explorera une multitude de thèmes en sa compagnie. Alors ça, c'est pour aujourd'hui, et je vous rappelle également, si jamais vous avez envie de voir et de suivre et de lire La Vie en BD autrement que simplement par cette émission radio, eh bien, vous pouvez le faire via Facebook en cherchant La Vie en BD. On a également deux blogs, mon blog personnel consacré à mes regards et mes impressions sur la BD, Raymond Poirier, sur voir.ca, donc voir.ca/Raymond-Poirier, et parallèlement le blog où vous trouverez les podcasts des différentes émissions, La Vie en BD. .wordpress.com. Et côté musique pour cette semaine, eh ben, on écoutera un duo à saveur jazz, Frédéric Brunet et Johannes Grohn. Il s'agit en fait, dans le cas de Frédéric Brunet, du directeur musical des soirées de la Ligue québécoise d'improvisation BD. On vous en a parlé la semaine dernière, alors j'en profite cette semaine pour faire un petit rappel concernant cette activité à laquelle j'aurai le plaisir de participer. Alors, le premier match, match inaugural de ce nouveau genre d'improvisation est ce dimanche 28 octobre à compter de 20 au Cercle. C'est entrée libre et c'est contribution volontaire. Alors, je vous invite à y être en grand nombre. Et côté musique, on ira justement lorgner vers des sonorités jazz. Et c'est pour ça qu'on se met un peu dans l'oreille de cette musique de Frédéric Brunet et Johannes Grohn. Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD, et c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit présentement Jean-Claude Mézières, le père de Valérian, avec Pierre et Christin. Et Laureline. Et Laureline, si vous l'oubliez, alors là, c'est une faute professionnelle. Alors, il est de passage à Québec, donc pour le Festival Québec en toutes lettres. Bonjour, officiellement. Bonjour. Et d'ailleurs, en fait, 2012, c'est une année qui marque les 45 ans de Valérian. J'imagine que ça doit être un sentiment assez agréable. agréable, assez satisfaisant de voir que sa création a duré aussi longtemps, puis a eu l'influence qu'on lui connaît également. Ben, écoutez, tout ça, c'est le temps qui passe, et moi, ça me réjouit pas toujours, le temps qui passe, mais effectivement, et je crois que c'est Pierre Christin, le scénariste de Valérian, le co-créateur, puisque tous les deux nous avons uni nos efforts en disant on va faire quelque chose, bah oui, on va essayer de faire une histoire, hein. Et puis 45 ans plus tard, on continue à faire des histoires, et de dire qu'on n'a évidemment jamais imaginé au départ qu'on se lançait pour, je vois maintenant des jeunes dessinateurs qui signent des contrats pour 1, 2, 3 albums, quoi, et c'est des fois plus, alors que nous, c'était pour paraître dans un journal hebdomadaire, donc c'était en disant, après avoir fait 2, 3 petites histoires de 6 pages qui paraissaient dans un numéro, et puis c'était fini, là on s'est dit on va se lancer sur une première longue histoire, et c'était Les Mauvais Rêves, qui était quand même quelque chose qui avait l'avantage d'être totalement différent de ce qui paraissait dans le journal en France à l'époque. Oui, parce qu'il faut dire, même quand on parle de science-fiction de manière générale, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, c'était beaucoup western notamment. Qu'est-ce que vous avez amené justement à dire, bon, ok, on se lance dans l'univers de la science-fiction? Eh bien, je crois que c'était justement l'idée de dire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on ne va pas faire ce que les autres font. C'est déjà au moins le principe de ça. Et c'est vrai qu'il y avait les meilleurs dessinateurs de western dans le journal de la planète, c'est-à-dire Giraud, bien sûr, Jigé, Lucky Luke, Maurice, plus d'autres encore qui faisaient western. Et il y avait donc de la concurrence énorme. Et moi, même si je revenais de vivre aux États-Unis, dans l'Ouest, beaucoup, je ne me sentais pas les possibilités de faire ça. Et par contre, Pierre Christin, qui donc justement est en charge, un scénariste, c'est en charge, mais il n'avait jamais écrit de scénario de bande dessinée. C'était un étudiant en littérature, un professeur de journalisme, il commençait à enseigner à l'université de Bordeaux, et on dit on va faire quelque chose. On était passionnés de littérature de science-fiction, qui était très mal vue, puisque les critiques, les journaux, les radios de l'époque, personne ne parlait de science-fiction. C'était même une injure pour dire, mais monsieur, on parlait de la politique, on disait, mais ça c'est de la science-fiction, ça. C'était un terme méprisable. Et donc, on s'est dit, pour réunir tous les atouts dans notre main, eh bien, on va faire et de la bande dessinée, qui était très mal vue par les professeurs, par les parents, par les ligues des parents d'élèves, etc. La bande dessinée, c'était très mal vu, et on va faire une bande dessinée de science-fiction, parce que il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de science-fiction. Il y avait eu, en France, 2 ou 3 histoires qui étaient connues dans des journaux. Encore une fois, c'était des journaux, puisque les albums, à cette époque-là, n'existaient quasiment pas. Il y avait les grands albums de Tintin. Oui, ça existait. Quelques albums de Spirou. Une fois qu'on a dit ça, quelques albums de Lucky Luke, et c'est terminé. C'était tout. Et ce qui fait que j'imagine aussi quand, je crois que c'est René Goscinny et Jean-Michel Charlier, quand ils sont arrivés, ils ont dit, ben ok, on fait un album de Valérian, sachant qu'il y en a une 15aine d'albums par année, qui ça devait être une victoire extraordinaire. Oui, mais ça c'était 3 ans après qu'on ait commencé à faire Valérian. C'est-à-dire que... Il fallait faire ses preuves. Le premier, oui, enfin, mais aussi, on était, et ça je dis, c'était le moment béni où les journaux publiaient, à côté déjà de grands auteurs reconnus, Giraud, Uderzo, Victor Robinon, etc., des débutants. Il y avait des pages réservées à des débutants. Et donc, moi, j'avais proposé des petites histoires courtes, elles avaient été publiées, et lorsque on a décidé de faire une première histoire, on a soumis le synopsis à Goscinny, qui nous a donné notre chance, en disant, bon, oui, bah, allez-y. Et c'est vrai que c'était pas éblouissant, mais c'était totalement différent. Quand on tourne les pages, quand je retrouve des vieux journaux de l'époque et que je tourne les pages, il y avait des histoires de flics, des histoires de militaires, des histoires de sous-marins, des histoires de cow-boys, et une histoire, pas ascension ou super avenir, puis qui retourne dès la page 3 au Moyen-Âge, parce que je savais pas trop comment dessiner les planètes de l'avenir, mais il y avait tout de suite une jeune femme, une nana, dans une bande dessinée pour grand public de gamins de 12 ans. Et ça, je vais vous dire que c'était ça la vraie révolution, parce que il n'y avait pas de femmes dans la bande dessinée à cette époque-là. Oui, en fait, vous étiez un peu, il y a des analyses qui le mentionnent, c'est presque du féminisme avant son temps. Donc, l'apparition de Laureline, dans la mesure où c'est pas un personnage de faire valoir, c'est un personnage qui prend de la place, qui est un héros à part entière dans cet album-là, et qui, rapidement aussi en vient à sauver le héros, à sauver Première page. Dans la première histoire, elle arrive et elle libère Valérian, qui était cet imbécile couché dans la forêt à dormir dans une feuille qui s'est séchée et qui l'a refermée et tout. Donc c'est vrai que là, tout de suite, c'était un choc pour les lecteurs, et évidemment le journal est élu par énormément de monde, un public de collégiens, de garçons d'ailleurs, totalement garçons, et des garçons de 12, 15 ans, etc., qui se passaient le canard dans les classes et qui faisaient un courrier avec le journal, et on a reçu quelques lettres d'encouragement en disant, c'est marrant, votre truc, ah oui, c'est pas mal, et puis il y a une fille. Et donc, on s'est dit, on va continuer. Et Goscinny nous a dit, oui, continuez, et on a fait la deuxième histoire, avec quand même New York, envahie par les eaux, et ça aussi, les petits lecteurs de 12 ans, en 1967-68, lire une histoire qui se passe avec New York, noyée dans les eaux, etc., c'était une grande baffe dans la gueule, quoi. C'était quand même quelque chose d'étonnant, parce que personne n'avait traité ce genre d'histoire-là depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années et qui était oublié et qui était même pas traité du tout. Oui, c'est ça qui est fascinant, j'ai l'impression, quand je replonge dans Valérian, de voir à quel point on a mentionné Laureline au niveau des personnages, mais au niveau des thématiques aussi. Valérian, et souvent avant son temps, vous avez parlé d'écologie, avant le temps, vous avez parlé de la montée en puissance du monde des affaires dans les années 80, les débuts étaient très marqués par les années 60-70, donc vous étiez toujours un peu en avance, dans le fond, sur les grandes tangentes. Et ça, je dirais que c'est la grande qualité de Christin, qui donc était un prof de journalisme et quelqu'un qui effectivement ne me disait pas, dis donc, tu as vu les journaux hier, hein, t'as vu ça, ça serait un sujet formidable, et le temps que je fasse l'album, c'est 2 ans et demi après. Donc ça, c'est pas une bonne qualité de scénariste. Il fallait anticiper, et Christin a anticipé jusqu'au moment effroyable, puisque dans cette première histoire, La Cité des eaux mouvantes, on annonce un cataclysme nucléaire qui fait exploser et fondre les calottes glaciaires de la Terre on était en 1967-68 à l'époque pour faire l'histoire. Allez, mettons 1986. On n'avait pas la moindre idée qu'évidemment on allait continuer. Et le pauvre malheureux scénariste, mais c'est pour ça qu'il est payé, c'est pour trouver des idées comment on va s'en sortir. Quand à partir de 1980, il a commencé à réfléchir, à dire mais comment on va faire pour dire que la Terre a été noyée et que Galaxy T était née de ce cataclysme, et que finalement nous on continue à vivre, et que 1986 c'est bien loin derrière nous maintenant. Oui, parce qu'en même temps il y a cette idée justement que c'est la série, les 21 albums sont un tout, il y a le début, la fin, et dans le fond c'est pas des one shot, c'est pas des histoires courtes, la situation évolue tranquillement, mais donc on pouvait pas le laisser de côté, dire bon, ok, le 86 on l'oublie, voilà exactement. Non, c'est à dire que là au début évidemment c'était des one shot parce que évidemment on s'essayait, et aussi on n'avait pas du tout imaginé qu'on allait développer ça, et c'est plutôt justement la difficulté du scénariste de rétablir une espèce d'équilibre pour trouver, ce que nous ne dirons pas, la chute finale de la fin du 21e album, pour comment cette quête de retrouver Galaxy City, capitale du futur, ils vont la retrouver, et puis finalement, on verra ce qu'on verra. Et à l'intérieur de ça, on parle évidemment de science-fiction au sens large. Ça permet l'anticipation pour l'auteur, pour le scénariste. Ça permet aussi, j'imagine, pour le dessinateur, beaucoup de possibilités au niveau de l'imagination. À chaque album, vous créez un monde, vous créez des civilisations au niveau visuel. Oui, c'est ce que je crois que c'est, en fait, c'est un bien pour un mal. Parce qu'en fait, je suis incapable, ou je n'aime pas dessiner la réalité. Je n'ai horreur de faire des histoires de bagnoles, de tanks, d'armes, de trucs, d'avions. Il faudrait que je recopie des photos. Ça m'emmerde. Ce n'est pas mon truc. Alors que créer des personnages extraterrestres, de faire des civilisations, des architectures qui ressemblent à rien de, mais à tout ce que j'ai envie que, enfin, qu'on puisse imaginer. Donc, on a fait, disons, effectivement, les qualités de Valérian en faisant un truc qui était totalement différent de tout ce qui se faisait à l'époque. Et comment on procède justement pour cette exploration? Parce que quand on parle de livres historiques, par exemple, il y a des photographies, il y a des documents historiques, donc il y a des éléments visuels qui peuvent nourrir l'inspiration. Quand on crée un univers, c'est seulement notre imagination. Donc j'imagine que c'est beaucoup de travail pour d'essai. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est que le scénario de Christin ne me dit pas ce qu'il faut que je dessine. Bien sûr, si un scénariste se mêle à dire comment il faut que la page soit organisée et comment le dessinateur doit dessiner, ça va pas. Enfin, avec moi, ça irait pas du tout. Mais il me donne des indications sur la psychologie des personnages, les rapports entre les personnages, les ambiances qui vont se développer. C'est une société, à quelle société on a affaire, etc. Et là-dessus, tant bien que mal, je me débrouille pour que visuellement ça devienne crédible. Okay, donc on parle un peu des éléments des éléments constitutifs de cette société là. On essaie de voir si c'est une société très écologique ou très c'est dans le scénario que ça que Pierre, mais évidemment, parce qu'on ne veut pas commencer par un grand mode d'emploi de telle société. Ça serait moche un peu au niveau ça récit. Ça serait emmerdant, quoi, vraiment. Non, c'est beaucoup plus une question que là, lui, et avec son talent de raconteur d'histoire, il va je dirais saupoudrer l'aventure de nos héros au milieu d'événements qui sont marquants. Et par exemple, un des premiers albums très marquants au niveau de l'écologie, c'est Bienvenue sur Alf Lolol, que j'ai quand même dessiné en 1972, et que lui a écrit en 1971. Il y avait déjà une montée. On venait de vivre aux États-Unis. Lui était prof d'université. Moi, je traînais mes bottes un peu partout dans l'Ouest américain. Mais on avait bien senti cette montée déjà des problèmes écologiques. Nous sommes des petits. C'était vraiment pas du tout de tout le monde qui en était conscient, mais c'était quand même, et en tant que journaliste, justement, il a verniflé ces trucs-là, il avait bien pigé, et on a tout simplement pris le thème de à qui appartient la Terre. Et on voit bien que même aujourd'hui, en ce moment, la Terre, l'exploitation de la Terre, les habitants des régions et les intérêts des grosses sociétés, c'est exactement la même chose qui se passait sur la planète Technorogue, enfin Alf Lolol, qui a été baptisé Technorogue par l'Empire Galactique Terrien. Et mal leur en a pris. Et justement, donc, vous disiez, il donne pas beaucoup d'indications sur les éléments de dessin, sur les orientations. Il vous laisse donc vous inspirer du récit pour créer ces univers-là. Et inversement, c'est la même chose si vous dites dessiner un Shingouz. Ben, il vous dit pas qu'est-ce que c'est précisément. Non, mais il me dira que ce sont des faux derches, que ce sont des espions qui vendent des informations plus offrant, etc. Donc, les qualités psychologiques des personnages sont établies par les dialogues, par qu'on a. Et puis, il y en a un qui est amoureux de l'Orline. Alors, les deux autres essayent de négocier toujours dans l'intérêt des intérêts Shingouz. Et le troisième, et quand il voit l'Orline, il lui balance toutes les informations gratuitement. Et ça, c'est un exemple aussi, j'ai l'impression, du sentiment de surprise que vous laissiez, vous et Christin, que vous laissez encore, j'imagine, dans la création, dans la mesure où vous vous laissez surprendre par les scénarios qu'il propose, et lui se laisse surprendre aussi par les dessins que vous proposez, par les univers que vous créez. Parce que Shingo, c'est un personnage secondaire au départ qui est devenu beaucoup plus important. Là. Absolument. C'est-à-dire que, justement, cette espèce de petit miracle de faire, c'est un peu comme dans une mise en scène où vous engagez des acteurs, et puis il y a un type qui est prévu, enfin une nana qui est prévue pour un second rôle, hein, qu'on va voir passer entre deux portes comme ça, et puis le metteur en scène dit quand même celle-là, qu'est-ce qu'elle est bien, ou lui, qu'est-ce qu'il est bien, je lui rajoute des dialogues, etc., et où je l'engage pour un prochain film. Hein, bon. Et c'est avec nos personnages, justement, de cette panoplie de différents personnages qui arrivent juste comme ça, les chingouzes ont éclaté immédiatement, presque en même temps que le transmuteur grognon, qui était cette espèce de petit animal qui était en fait un portefeuille avec et qui recrachait de l'argent. On lui donnait une perle et il en chiait une centaine. Bon, et des trucs comme ça, et que c'est tellement drôle qu'on les reprend comme les galeries de personnages dans toutes les bandes dessinées bien réussies. Quoi. Oui, puis ça montre aussi, j'imagine, à un certain degré que Valéria, c'était un peu, même en étape de création, ça restait un work in progress. Vous commenciez, vous laissiez, en fait, du moins, il y avait une liberté qui était présente pour ajuster, pour modifier, pour développer. Bien, c'est-à-dire que, d'abord, Christin n'écrit en général pas le scénario, sauf s'il avait un projet de voyage très loin, ce qui lui est arrivé souvent, ou moi aussi, de qu'on savait qu'on n'allait pas se voir pendant 6 mois. Bon, ben là, peut-être que il écrit la presque totalité du scénario. Mais autrement, comme on se voit très souvent et qu'on est des copains, on va jouer au tennis ensemble, du moins on y allait, ça commence à grincer un peu dans les engrenages en ce moment, mais on se voyait régulièrement 2-3 fois à Barcelone, etc. Et donc, il habite pas très loin de chez moi, donc il venait voir l'évolution des pages. Quand je lui disais, bah tiens, viens voir, j'ai fait 3 pages là, et c'est mon premier lecteur. Et donc, et lui est toujours intéressé, je dirais même quand, en général, c'est qu'il est même ébloui de voir que ces petites phrases de dialogue qui ne sont pas un texte qui mérite d'être imprimé. Un texte de bande dessinée n'est pas un texte à lire. C'est un texte qui me sert à moi pour mettre dans la bouche de mes personnages de papier. Et il est le premier lecteur de la bande dessinée, et il adore ça, de découvrir son histoire. Et avec les, alors en plus des fois évidemment on n'est pas d'accord, mais les transformations faut les faire avant, faut pas les faire après que j'ai dessiné, hein. Donc là dit non, viens, je vais, parce que moi je voudrais te changer ton dialogue, là ça va pas, ou du moins j'ai une idée de dire que au lieu de dire ça et qu'il faire ça, faut faire ça. Bon, alors là on discute, hein, donnant, c'est, mais en général, bon ben c'est équilibré. Si mon idée est bonne, il l'acceptera. Si elle est à contrario de scénario, parce qu'il me dit oui mais tu oublies qu'à la page 32 derrière il se passe ça, donc si on fait ça maintenant on peut pas faire ça. Bon, alors évidemment mais ça c'est une grande complicité, et c'est ça qui fait que en même temps, dans l'évolution de la naissance des dessins, donc de la naissance de l'histoire, effectivement, on peut rajouter des trucs, améliorer une séquence, ou simplement la rendre crédible à cause des images. Et Jean-Claude Mézières, j'avais lu à quelque part que quand vous êtes arrivé dans la ligne droite de la fin de Valéria, on savait que ça allait se terminer au 21e, que vous n'aviez pas voulu savoir la fin du scénario, parce que Christin lui disait, ben moi, ça fait longtemps que je sais comment je vais finir, mais vous dites, ben moi, je veux pas le savoir. Non, c'est-à-dire qu'en plus, il y a une, enfin, disons que je lis l'histoire, le synopsis de l'histoire avant de démarrer. Mais je veux pas avoir le scénario complètement écrit sur ma table à dessin. C'est un peu comme si au restaurant, on vous filait tout ce que vous allez bouffer sur la table tout de suite, et puis vous allez, ça va devenir froid, ça va c'est dégueulasse. Donc, pour moi, j'avance pas. J'envisage les prochaine page, je prédécoupe la suite des dialogues, puisque c'est les dialogues qui me donnent le découpage de la page, et donc je vois à peu près que telle grande scène, etc., va prendre place. Et puis à un moment, je veux plus lire la suite, parce que après, je vais tourner en rond, ou je vais commencer à imaginer une autre fin. C'est pas mon travail comme ça. Et en même temps, en fait, je pense que dans Valérie, on s'en rend bien compte, notamment, la possibilité qu'offre la bande dessinée pour la science-fiction, ce qu'on peut faire du grand budget avec petit budget, mais inversement, je me dis aussi, ça doit causer des maux de tête aux dessinateurs quand, exemple, Christin arrive et écrit, ben ok, on ouvre avec une scène extérieure sur, on voit Galaxy City, capitale de l'Empire Galactique, ok, une demi-page. Et là, ça c'est rien maintenant, mais quand c'était première demi-page de la première histoire, oui, là, ça m'a filé vraiment des maux de tête, et en disant, mais bien sûr, j'ai envie de dessiner des trucs imaginaires, mais comment je vais représenter ça? Parce qu'il faut le raconter, il faut le montrer. Alors, évidemment, et c'est très émouvant, parce que à l'exposition qui a lieu ici, à la galerie Gabriel Leroy, on voit la première page. Avec des couleurs en plus très approximatives, parce que c'était, je savais pas par quel bout prendre tous ces problèmes. Tous les problèmes arrivaient en même temps. Mais on voit que j'ai évolué avec quelques représentations de Galaxy City, justement, qui est repris dans différents albums, et on retrouve cette évolution d'un ou deux monuments dont j'avais plus ou moins réussi à faire quelque chose qui était au moins crédible, un grand dôme avec trois ailerons au-dessus, et je les ai gardés, et on les retrouve 20 ans et 40 ans plus tard dans les albums, où après le reste est quand même un peu mieux foutu, quoi. Et j'imagine que justement des événements, des rétrospectives comme l'exposition dont vous parlez, ça permet aussi pour vous de prendre un recul sur votre travail de dessin puis d'exploration sur un univers comme ça que vous développez pendant plusieurs décennies. Oui, enfin disons que ça me fait surtout plaisir, parce que je dois dire que je suis pas un dessinateur heureux, je suis pas un dessinateur qui continue à dessiner même quand il a fini, etc. Moi, je suis un dessinateur qui se bagarre avec son dessin, et tous les dessinateurs qui nous écoutent savent ce que c'est que se bagarrer avec son dessin quand ça va pas, et puis à un moment, il faut qu'il rentre là, mais il faut que ça aille, quoi. Et donc je suis effectivement très content de voir quand c'est bien présenté, quand c'est c'est pas si mal, c'est pas si mal. Bon, mais évidemment toutes les souffrances, les erreurs, les dessins ratés qui sont tombés dans la corbeille à papier ou qui ont été recommencés, recollés par-dessus, ça le public n'est pas censé le savoir. Jean-Claude Mézières, donc l'un des créateurs de la série Valérian, le dessinateur de Valérian, vous restez avec nous. On prend une courte pause. Au retour, notamment, on portera des regards sur la composition visuelle de Valérian, sur ses incartades au cinéma, celle de Mézières et celle de Valérian, et bien d'autres choses. Alors, toujours ici sur les ondes de CKRL à la vie en BD. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleur. Première soirée, le 28 octobre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. Les productions Explosive Groove vous invitent au lancement de l'album Solidarity du groupe The Soul Jazz Orchestra. Les sonorités tropicales de ce nouvel album se marieront parfaitement avec les sélections chaudes des DJs 100% dynamite. Rendez-vous le jeudi 15 novembre à partir de 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, pour une soirée de musique afro, funk, reggae et tropicale. « Le 9 novembre, le Cercle fête son 5e anniversaire. Une soirée à temps multiple à l'image du Cercle. Serez-vous dans un resto, une salle de spectacle, une galerie d'art, dans une installation immersive ou tout simplement dans un lieu où il fait bon vivre et échanger? Pour le savoir, rendez-vous au Cercle le 9 novembre et rejoignez la faune des artistes et DJ mettant en vedette Radio. Entrée 10$, venez vivre le tourbillon dès 18h. Le-cercle.ca. Voici les livres qui ont marqué Pantoute. De guerre interstellaire en saga magique. Le guide du routard galactique de Douglas Adams. Demain les chiens de Clifford D. Simak. Le seigneur des anneaux de Tolkien. Le trône de fer de G.R.R. Martin. Pantoute, votre libraire depuis 40 ans. De retour à la vie en BD. Raymond Poirier est toujours avec vous jusqu'à 18h30 et on a le plaisir d'être toujours en compagnie de Jean-Claude Mézières, donc l'un des créateurs de la série Valérian, entre autres choses. Et Jean-Claude Mézières, en fait, Valérian, on connaît la série sur album, Valérian et Laureline, on a vu ce que vous avez fait au fil des années. Et aussi, quand on regarde d'autres créations de science-fiction qui ont été faites au fil des années, on se rend compte de l'influence que votre création visuelle a pu avoir. Quand on pense, par exemple, à La Guerre des Étoiles, Star Wars, c'est un exemple qui a été plusieurs fois exploité. Il y en a qui disent que c'est presque du plagiat à certains degrés au niveau visuel. Quel regard on porte là-dessus? Écoutez, moi, je porte un regard de... Je pense que vous avez vu mon comparatif à l'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est trouvé que j'ai remarqué, comme spectateur, puisque évidemment, lorsque La Guerre des Étoiles est arrivée en France, j'étais à un festival de science-fiction, justement, où il y avait en avant-première, une première projection, ça. Et j'arrive au festival qui était déjà commencé, et j'ai rencontré des copains qui me disent, ah, tiens, on a vu un petit film de SF hier soir, on a vachement pensé à toi, ça ressemble vachement à toi, c'est vachement bien. Bon. Et moi, j'ai assisté, je trouvais ça très bien aussi. C'était pas choquant, c'était vraiment le même univers. Et puis, au fur et à mesure que les Star Wars sont sortis, j'ai dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble vachement à ce que j'ai dessiné dans tel album, puis tel album, puis tel album, puis tel album. Et puis, on est des amis journalistes, à un moment, m'ont sorti des photos que j'avais pas vu de par exemple de Watu le je sais pas qu'est-ce qu'il est vend des informations aussi un type un peu glauque là. Et les Shingouz, c'est quasiment du copier-coller, quoi. Alors, quand vous dessinez des extraterrestres, vous avez le droit à une certaine liberté. Quand vous vous retrouvez avec un personnage qui ressemble étonnamment à une bande dessinée qui était quand même sortie près de 5 ans avant. Non, plus 15 ans avant, puisque je sais plus quand ça date de 2003 ou un truc comme ça. Donc, 20 ans avant. Et, puisque mes albums avaient tous au moins 10 ans d'avant la comparaison du... Quand même que Dark Vador, à la fin, on voit son visage brûlé et puis il se met le casque dessus... Et, ma foi, on le reverra plus, jamais, autrement. Moi, c'est les connaisseurs dans l'Empire des Mille Planètes que j'ai dessiné en 1969 pour pilote, et puis l'album est sorti en 72, où les connaisseurs, eux, montrent leur visage brûlé à Valérian et remettent leur casque dessus. Bon, ça fait beaucoup. Le bikini de Laureline, le bikini doré, en plus, elle est assise exactement de la même position que dans mon dessin. Ça, c'est rigolo, mais c'est pas, j'ai pas inventé les bikinis dorés. Mais, Laureline, dans l'épisode Le Pays sans étoiles, Laureline en bikini doré se bat sur le pont d'un navire, sur le pont découvert d'un navire volant. Hein? Dans La Guerre des Étoiles, la Chine, elle se bat en bikini doré sur le pont découvert d'un navire volant. Ouais, c'est difficile de pas faire les parallèles, en fait. Alors, je me dis, tiens, quand même, les gars qui ont dû bien regarder. Et puis, moi, j'ai écrit une fois à Monsieur Lucas en disant qu'on avait des univers proches et que je serais intéressé de rentrer en contact avec lui, comme ça. pas de réponse. Jamais une réponse. Mon courrier m'est pas revenu. Comme ça. Donc, moi, je continue à le montrer. Et puis, je suis pas le seul. Et puis, un jour, c'était en 1991, il y a eu un coup de téléphone d'un garçon qui s'appelle Luc Besson, et qui me dit, moi je crois que les Américains t'ont suffisamment pillé, moi je t'engage, et je te paye, et je te fais travailler sur mon prochain film, que je veux que ça soit un film de science-fiction. Ah. La conversation s'amorçait agréable. et ça vous a amené justement à créer un peu l'univers du cinquième élément, et avec des parallèles aussi, je pense par exemple au taxi volant qu'on a vu dans les cercles du pouvoir, je crois qui a fait son chemin vers le cinquième. Donc il y a eu des petits échanges, des rencontres très amusantes. Justement, c'est-à-dire que j'étais en train de dessiner les premières pages des sacs du pouvoir lorsque Besson m'a téléphoné. Donc Laureline et Valérian, à page 3 je crois, rencontrent déjà le chauffeur de taxi, d'un taxi volant qui va les emmener dans la ville, dans ce chaos urbain qui est le Rubanis. Et lorsque je vois Besson à Paris, il me dit on signe un contrat, je vais travailler pendant 100 jours pour lui, ce qui est un énorme contrat de cinéma, c'est-à-dire que je vais faire des visuels qui vont être mon approche de son scénario. Et son scénario, le héros travaillait dans une usine de fusées dans la banlieue de New York et voyageait en métro, etc. Et puis dans les visuels que je lui ai fait, où on voit et d'ailleurs que le public peut voir à l'exposition à Gabriel Leroy, j'ai mis des petits taxis volants que je venais de trouver pour mon histoire à moi, et donc je lui dessine des petits taxis volants dans le décor comme ça. Et puis un jour, évidemment, il passait très souvent voir les dessinateurs qu'il avait engagés pour les visuels de tous les projets du film. Mmh. Puis il me dit, tiens, ils sont très marrants, tes taxis volants, fais-moi un plus gros. Et puis la production, et ça c'était en 1992, la production du film, qui était un film produit par La Gaumont en France, explose, le budget explose complètement, et évidemment au visuel, en se rendant compte de l'importance des décors, etc., tout le monde s'aperçoit que le budget va exploser, il faut trouver des coproduction, etc. Et donc Besson est en contact avec les États-Unis, le chef d'éco avec qui je travaillais en très très bonne entente me dit, viens pas travailler ces jours-ci, Luc est à New York, ça sent pas bon pour le film. Et je me dis, évidemment, encore un projet qui va tomber à l'eau, parce que c'était pas la première fois que je travaillais pour le cinéma, mais que là le cassage de gueule était quand même difficile, parce que ça faisait déjà plus de 6 mois que je travaillais sur ce projet, quoi. Et puis j'avais foutu une belle énergie, et c'était quand même tout marchait bien, sauf le nerf de la guerre. Et puis, effectivement, Besson est à New York et tourne Léon, le professionnel. Moi, je continue mon histoire de taxi volant qui était écrite par Pierre, évidemment, pas depuis déjà 2 ans, parce que les scénaristes ont quand même toujours de l'avance à l'allumage. Et je continue mes planches. Le livre se termine à peu près au moment où Besson livre Léon sur les écrans à New York, aux États-Unis, en France, au Japon. Succès. Et je lui envoie mon bouquin avec le poster de la couverture. Et à ce moment-là, les producteurs américains lui disent, allez, feu vert, on vous met 25 millions de dollars dans la production, ça, ou la distribution, je sais plus, ça c'est leur problème, c'est pas les miens. Et relance son projet. Il relance son projet, il ramasse tous les dessins qu'il avait gardés, et il se dit, bon Dieu, les taxis volants, c'est pas de mauvaise idée. Il a réécrit son scénario. Et Bruce Willis devient... Et Bruce Willis, au lieu d'être ouvrier dans une usine de fusées, c'est dommage, j'avais fait un beau décor, et je l'ai toujours dans le livre, j'avais fait un beau décor pour l'usine, elle était vraiment épouvantablement, terriblement oppressante, mais je crois que ça aurait fait un décor extraordinaire, ça sera pour un autre film. Mais là, il est devenu chauffeur de taxi volant dans les rues de New York. Et Besson, en fait, vous avez collaboré avec lui sur Le Cinquième Élément, et ça fait aussi quelques années, je crois, qu'il a acheté les droits cinéma de Valérian et Laureline. Tranquillement, en fait, ça continue de se parler de l'éventuel film de Valérian que j'imagine. Écoutez, que... alors je dirais pas plus que ce que on dit. Ils ont annoncé en juillet pour le magazine, enfin, c'est à une conférence du magazine Variety, qu'ils mettaient en chantier trois films. Un où il tourne en France en ce moment avec Robert De Niro, Michel Pfeiffer et Tommy Lee Jones, un policier d'après un roman français de Tonino Benacquista, Malavita, qui est un paraît-il, je ne l'ai pas lu, je m'en veux, mais il faut que je le pique quelque part. un petit policier très très bessonien. Il le tourne en ce moment, il l'a tourné, je crois. Et sorti d'un deuxième film, et le troisième serait un film de Valérian. Est-ce qu'on a des craintes en temps, parce que c'est une chose, j'imagine, de collaborer au niveau des cartes, d'imaginer un univers qui est pas un univers qu'on porte depuis des années, mais qui est un univers de science-fiction versus un univers justement qu'on porte depuis 45 ans comme celui de Valérian, surtout sachant, et je pense que c'est vous-même qui l'aviez dit dans une entrevue à un moment donné, adapter c'est trahir. Donc est-ce qu'on a un peu d'une crainte, voir de dans quelle mesure les trahisons vont se faire? Écoutez, de toute façon, les auteurs qui vendent leurs droits à une production n'ont que leurs yeux pour pleurer s'ils sont pas contents. Parce que c'est vrai aussi, personne ne m'a mis un revolver sur la tempe pour vendre mes droits. Hein? Si je l'ai fait, c'est que j'ai pensé à l'époque où on était déjà en train d'en parler, puisque ça fait presque 10 ans qu'il a acheté les droits, que Besson, ayant fait ses preuves de quand même d'un amateur de science-fiction avec son tout premier film de débutant, Le Dernier Combat, oui, qui monte à 1980, c'était quand même très intéressant. Ce gars est à peu près la seule personne en France capable de réaliser un film de cette ampleur. Oui, avec les moyens nécessaires. Avec les moyens nécessaires. Et comme il vient d'ouvrir, finalement, après lui aussi une longue bataille, sa Cité du cinéma, aux portes de Paris, qui est un énorme studio que je n'ai pas encore vu, mais qui va réunir toutes les possibilités de tourner un vrai tournage de studio moderne, alors que par exemple pour Le Cinquième Élément, qui a été écrit et préparé en France, on est allé le tourner à Pinewood, à Londres. Parce qu'il n'y avait pas de studio français capable technologiquement de et il a fait tous les effets spéciaux à Los Angeles. Donc il y a un pas de plus en faveur, disons, du cinéma français international, parce que ça n'a rien de très... Je fais pas du cocorico là, mais c'est vrai que c'est un cinéma pour plaire à la planète entière, comme il a su le faire des fois. Et ma foi, bien sûr que ça sera très bien. Il faut être positif et ça sera très bien. Et puis si c'est pas bien, on en fera un autre. Effectivement. La série papier va continuer d'exister quand même. Donc c'est à la limite un peu comme avec, je crois que c'est la série télé qui est bon coup ci coup ça. Mais si ça peut amener quelques lecteurs à découvrir l'univers papier, tant mieux. Au bout Et on me l'a dit, les dessins animés, la série dessinée. Alors apparemment, c'est moi qui me renseigne. Elle est passée au Canada. Vous l'avez vue. Des gens me l'ont dit. Du moins, on trouve tout. Oui, avec Internet, on trouve tout. Non, mais c'est parce qu'on m'a dit que les gens l'avaient vu à la télé, ici. En France, c'est passé par des petites chaînes, mais c'est passé plusieurs fois, etc. Et c'est une série de télé de 40 épisodes de 26 minutes. C'est-à-dire que c'est une monstruosité à entreprendre. Et c'est un studio français qui l'a écrit et préparé. Et ça a été exécuté au Japon, Donc, mes petits personnages de Valérie Rennes ont pris un petit coup de manga dans la figure. Mais bon, alors, et puis, une série télé animée, il y a des très bons épisodes, et puis il y a des très pas bons. Un peu comme vous disiez sur le film, c'est qu'en tant que créateur, donc vous avez fait la création, vous laissez à d'autres l'opportunité de porter leur regard. Ça va dépendre aussi, peut-être du rôle que je vais jouer là-dedans, parce que j'en sais rien. Pour l'instant, moi, j'ai aucun droit. Mmh. Maintenant, j'ai vendu mon droit. S'il veut faire appel à moi, si Besson veut faire appel à moi, il fera appel à moi. S'il veut pas, il peut très bien faire le film sans moi. Je vois pas, enfin, je pense pas que ça soit comme ça, mais on va voir. Pour l'instant, mon téléphone n'a pas sonné. et parallèlement, d'ailleurs, quand on regarde un peu l'évolution de Valérian au fil des années, au fil des albums, ça me donne l'impression aussi que au niveau du travail, donc vous étiez toujours au service du scénario, mais parallèlement, il y avait aussi un effort autant de votre côté que du côté de Christian, ne pas non plus refaire constamment la même chose, donc de se donner des nouveaux défis dans le contexte de cette série-là. Ben, c'est vrai que au contraire de certaines bandes dessinées très connues et très répétitives d'un lieu unique où se passe l'action du pavillon de banlieue, du château, tout comme ça, nous on change de planète tous les 15 jours. Alors évidemment il suffit simplement d'aller chercher quelques nouvelles idées au fond de mon encrier, et puis effectivement le renouvellement est presque justement presque un défaut pour une série télé où on réutilise des tas de séquences, et là on change de personnage, on change de décor, etc. Mais en papier, évidemment, ça nous a permis d'explorer et le présent de la Terre et le futur, le passé, enfin, on s'est baladé. Et participer aussi, parce qu'on disait au départ que la BD au début et la science-fiction aussi, quand vous avez commencé, elles n'avaient pas leur lettre de noblesse. Aujourd'hui, c'est un genre qui est de plus en plus reconnu, de plus en plus apprécié. Et j'imagine que côté BD, vous avez contribué aussi au développement de ce style-là, qui est de plus en plus intégré, dans le fond, dans l'univers de la BD, autant du côté franco-belge qu'ailleurs. Oui, ça, je crois qu'évidemment, c'était la grande chance que, en plus, l'éditeur d'Argo a, sauf au moment où il avait pensé qu'il allait envahir l'Amérique en lançant vers les années 80 des albums traduits en disant mais on va montrer la bande dessinée européenne aux États-Unis, là je crois qu'il a pris une grande baffe dans la gueule, mais c'est vrai que quand même c'est les livres, enfin surtout les Valérians, ont pénétré les univers, et ça me fait très très plaisir lorsque j'ai visité hier ici à Québec les grands studios de dessin et de programmation de pour les jeux vidéo, etc. Et les gens connaissaient effectivement très très très bien mes bouquins et en référence aussi. Alors je pense que tout le monde se passe le flambeau et les idées de science-fiction, et ça on va aller chercher dans un grand pot, et on les prend et on les rejette et on en reprend d'autres, etc. Moi, je suis ravi de voir ça. Quand ça commence à devenir, effectivement, comme dans la Guerre des Étoiles, où on commence à dire, mais ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, là, c'est moins plaisant, voilà. Mais c'est comme tout, dans l'art, on se passe le relais. Oui, et dans le fond, vous avez un regard assez positif, assez optimiste sur l'évolution de la BD, sur l'état des lieux présentement, sur les nouvelles générations de créateurs. De toute façon, mon jugement, il est forcément optimiste, parce que je suis ravi de voir des gens qui étaient venus me voir peut-être des fois à l'âge de 15-16 ans pour me dire, voilà, je voudrais faire de la bande dessinée, et puis voilà mes premiers dessins, etc. Et puis, 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, je reçois un premier album. Hein. Ça, c'est magnifique. Mais ce qui est vrai, c'est que la bande dessinée a pris une force en France, qu'il ne faut pas être aveuglé par les problèmes commerciaux aussi, parce que très difficilement en ce moment, la vie des dessinateurs de bande dessinée est très difficile, puisque la crise venant, la surmultiplication des parutions, c'est une bonne chose pour les auteurs, mais c'est une très mauvaise chose pour le public, qui est noyé par 5000 nouveautés par an en France. C'est quand même assez... Bon, personne n'achète 5000 bouquins. Donc l'écosystème a changé. Les conditions de travail pour les jeunes dessinateurs sont incontestablement inférieures à celles où moi, dans le bonheur de ces années 60-70, c'était de travailler pour un journal, d'être payé à la planche pour la parution dans le journal. C'était pas payé Rubisson, mais c'était payé. Et tout d'un coup, on sortait des albums qui rapportaient, qui étaient faits d'après les pages déjà publiées et qui rapportaient un bonus de droit d'auteur et qui a été, qui a tué aussi les journaux. Parce que les gens, au lieu de lire un magazine où il y avait plusieurs auteurs qui cohabitaient à raison de 2 ou 4 pages par semaine, puis, ou par mois, après, les gens disent, oh bah oui, mais ça j'aime beaucoup, mais ça j'aime pas, donc j'achèterai l'album quand il sortira. Et en même temps, mais c'est un peu le moment où on a tissé, j'ai l'impression, et les bases, c'est un peu l'âge d'or de la BD franco-belge avec donc les Goscinny, Uderzo, vous les avez mentionnés, Giraud, Pat Mallet, plus d'autres, donc qui ont eu une grande influence sur les créateurs d'aujourd'hui et dont tranquillement aussi on peut mesurer l'impact du travail aussi avec les années qui sont passées. Ou dans certains cas avec les décès malheureux, je pense à Mallet par exemple. Oui, Pat Mallet, lui, était dans Dessinateur humoristique. Oui. Il se trouve simplement que c'était j'en ai parlé tout à l'heure, parce que c'était un copain d'école, Jean Giraud, Pat Mallet et moi, nous étions dans la même classe à l'école des arts appliqués à Paris quand on avait 15 ans. Et tous les trois, on faisait du dessin de bande dessinée déjà. Alors que dans une école qui était une école d'art, mais d'art technique, c'était qu'on apprenait le papier peint, la publicité, les trucs comme ça, ou faire de la bande dessinée, c'était très mal vu. Évidemment, les profs disant à Giraud, dont le talent était déjà éclatant à 16 ans, disant, ah Giraud, quel dommage que vous fassiez des conneries pareilles pour les dessinateurs, pour les lecteurs débiles mentaux, alors que vous pourriez faire des choses magnifiques. Ben, Giraud a fait quand même pas mal son truc. Et je veux dire que c'était un déchirement, évidemment, quand je l'ai connu dans sa maladie et dans sa fin de carrière abrégée récemment, début d'année. Mais donc c'était tout ça, mais aussi le grand événement de la bande dessinée, c'est aussi le rassemblement de tous les dessinateurs du monde maintenant. C'est-à-dire que la bande dessinée s'est quand même internationalisée, les pays francophones étant incontestablement plus bande dessinée que l'Angleterre, que l'Allemagne, que je parle de l'Europe, où il y a des talents, mais il n'y en a pas des tonnes, c'est pas la préoccupation du pays. En France, au Québec, c'est vraiment devenu, effectivement, c'est dur, mais c'est quand même très bien vu, et les pouvoirs publics, les expositions, les rencontres, etc., les festivals, alors là, évidemment, je parle pas des festivals en France, où il y a 250 000 personnes dans les rues d'Angoulême, tous les gens, en janvier, dans toutes les années, mais c'est comme ça. Et surtout, l'arrivée des dessinateurs italiens, espagnols, allemands, anglais, québécois, et qui s'échangent, sans parler des dessinateurs japonais, chinois, coréens, etc. etc. Et dans cet écosystème-là, donc le travail de Pierre Christin, le travail de Jean-Claude Mézières est encore présent, bon oui, dans les albums qui ont été faits, mais dans ceux qui s'en viennent également, parce que Valérian, la série officielle est terminée, mais votre travail n'est pas terminé. Vous continuez à créer, que ce soit dans l'univers de Valérian, que ce soit aussi, j'imagine, en dehors de cet univers-là. Ben, donc il y a des projets sur la planche présentement. Ouais. Ben vous savez, tant qu'on n'est pas mort, on a envie de continuer. Et ça va à peu près. Christa et moi, on continue et on prépare actuellement. Je vais vous montrer les pages à la radio, c'est très très bien. Mais il faudra attendre un petit peu au printemps prochain sans doute pour les voir réellement en album. Mais je suis en train de travailler, de terminer un album qui s'appellera vraisemblablement Souvenirs du futur, et qui sont des courts récits de Valérian Lorlin qui reviennent à l'intérieur des anciens albums. Et c'est-à-dire que des passages qu'on a esquissés, il y avait par moments des choses qui sont bourrées jusqu'à la gueule parce que on raconte des histoires et il y a plein de choses qui se passent. Et on prend un peu de recul et on dit, ah bah oui, tiens, finalement, tel moyen de transport, on l'a pas étudié, on va l'étudier en 4 pages, etc. Et je crois que je me fais des petits plaisirs de grande illustration double page pour bien mettre l'ambiance, puis de raconter ça avec, je crois, beaucoup de recul et beaucoup d'humour, comme quand on est en forme, on fait ça. Et si vous êtes bien sage et si vous êtes patient, 2013 verra la sortie de cet album. Alors, d'ici là, on vous relit en attendant de vous lire. Jean-Claude Mézières, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, ça me fait un grand plaisir, et puis ça me fait plaisir d'être à Québec pour la 8e ou 10e fois, parce que quand même, je suis venu traîner mes bottes à Québec depuis pas mal d'années. Ah ben merci. Ok, merci. Voilà, autre petit extrait de cette pièce de Frédéric Brunet et Johannes Grohn, toujours ici à CKRL, suite à cet entretien avec Jean-Claude Mézières, que j'espère que vous avez apprécié. Et évidemment, on le dit en introduction, on le redira en conclusion, c'est pas par hasard qu'on vous proposait ces pièces à saveur jazz cette semaine, puisque ce sera peut-être quelques-unes des ambiances qu'on découvrira au cours de ce premier match de la Ligue québécoise d'impro BD qui aura lieu ce dimanche au Cercle, c'est à compter de 19h. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la Ligue d'impro BD, cherchez tout simplement Ligue québécoise d'impro BD sur le site de socialisation Facebook et vous devriez trouver l'information. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, il y aura plusieurs de nos collaborateurs qui seront de passage, notamment Mathieu Place, Thomas-Louis Côté et plusieurs autres. Alors ce sera une autre occasion pour nous de plonger dans l'univers du 9e art. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et passer une agréable soirée ici sur les ondes du 89.1 CKRL.